qui n'a pas trois pans de large et semble tout fait à la mesure d'une caisse pour mettre un mort. Il faut que dans cette brancade, mangeons et chions tous ensemble. Mais les recherches historiques récentes sur les galériens de l'Ancien Régime ont complété et nuancé ce type de représentation. Le discours officiel, qui a perduré longtemps dans la mémoire collective, présentait la condamnation aux galères comme la punition infligée aux pires criminels. Pourtant, l'analyse quantitative des registres d'écrou, qui concerne les 60 000 individus entrés à l'arsenal des galères entre 1680 et 1748, a démontré que près des deux tiers d'entre eux n'étaient pas des criminels au sens actuel du terme. Louis XIV a imposé la construction de cet arsenal des galères pour former une flotte surpassant celle de l'Espagne et des puissances italiennes. En quelques années, rien qu'à Marseille, le nombre des galères est passé de 25 à 40. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, les magistrats aux ordres du roi condamnèrent aux galères une multitude hétéroclite d'individus. Depuis les voleurs jusqu'aux déserteurs, en passant par les faux sauniers, les vagabonds, les libertins, les rebelles et les huguenots. Sans oublier les esclaves, maures et turcs, achetés ou raflés sur les bords de la Méditerranée. Ces études statistiques ont aussi permis de montrer que le tiers des condamnés aux galères mouraient moins de 3 ans après leur entrée à l'arsenal. Toutefois, à l'encontre d'une autre idée reçue, ce n'est pas quand ils étaient en mer qu'ils risquaient le plus pour leur vie. Vers les années 1680-1700, seulement 1 à 2% des forçats de Louis XIV décédèrent au cours d'une campagne. La plupart d'entre eux mouraient durant la morte saison de la navigation, quand ils étaient au repos dans les locaux de l'arsenal qui leur servait de port d'attache. Épuisés par le voyage de la chaîne, ils succombaient à cause du froid, des mauvais traitements et aussi des maladies. Merci Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment, toujours très éclairant. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delecroix et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.